Chapitre 6. Le procès d'acier se termina par la condamnation de l'accusé, en dépit d'une fort brillante plaidoirie de Maître Daubré. La servante, cliente d'Ariane, fut acquittée après une habile défense de la jeune stagiaire. On vit, au sortir de l'audience, des confrères empressés entourer Mademoiselle Daubré. Even n'était point parmi eux. À la barre, il avait serré la main d'Ariane avec un mot de félicitation et n'avait plus paru s'occuper d'elle. De son côté, elle semblait maintenant l'éviter, sans aucune affectation d'ailleurs. Dans le palais, on commençait à parler de la demande en séparation introduite par Madame Daubré. La sympathie, en général, n'allait pas à Ferdinand. On se rappelait qu'il avait épousé la fiancée d'Even, circonvenue par lui. La fortune de la jeune fille avait tenté la cupidité de jouisseur. Maintenant, il mettait tout en œuvre pour empêcher que Paul eût gain de cause. Raymond s'absorbait dans le travail. Il réagissait énergiquement contre sa souffrance intime, contre les révoltes de son cœur épris. Ariane lui facilitait la tâche par sa nouvelle attitude. Dans ses rapports obligés avec lui, elle restait le confrère uniquement. Raymond avait vu naguère dans ses yeux qu'elle l'aimait et il lui vouait une reconnaissance profonde pour cette délicatesse silencieuse qui épargnait à son âme tant de troubles, tant de luttes. Mais ce n'était pas cette nouvelle découverte dans la nature de Mademoiselle Daubré qui pouvait affaiblir ses sentiments à son égard, et il se surprenait parfois à songer encore « Si elle devenait ma femme, ne serais-je pas presque certain de l'avoir adoptée toutes nos idées à notre contact ?» La réflexion, peu après, s'imposait à son esprit loyal. Non, il n'avait pas le droit de tenter cette aventure, de remettre le sort moral d'une famille entre les mains d'une femme sans croyance, si bonne, si vertueuse qu'elle parût, car la base manquerait au foyer, le lien ne serait jamais étroit entre elle et lui s'il ne pouvait penser de même, croire aux mêmes fins surnaturelles et espérer en l'éternelle vie. Au début de l'hiver suivant, on vit apparaître au palais Maître Daubré, fort changé, car à la suite d'un refroidissement, il avait été atteint d'une bronchite qui traînait sans vouloir guérir. La séparation venait d'être prononcée. Paul habitait chez sa mère. Elle allait fort peu dans le monde, mais on la voyait souvent chez Madame Even. Là, elle rencontrait parfois Ariane. Les deux belles sœurs se montraient correctes, sans que reparût l'amitié d'autrefois. Jamais elle ne parlait de Ferdinand, ni des événements qui avaient pu se passer au cours de l'existence conjugale de Paul. Elles étendaient le silence sur ces années, sur l'homme que Paul détestait, qu'Ariane méprisait. Madame Even accueillait sa jeune cousine avec une grave bonté. Elle essayait d'amener à une sérieuse compréhension de la vie l'âme faiblie et meurtrie. Paul venait volontiers la voir et s'attardait dans le grand salon tranquille en parlant de Raymond. Elle ne le voyait plus que rarement dans son cabinet. Madame Even, discrètement, avait su lui faire comprendre que, dans sa situation, et surtout étant donné ses fiançailles d'autrefois, des visites de ce genre, trop fréquentes, risqueraient d'être prises en mauvaise part. Mais souvent, quand Raymond, au retour du palais, entrait pour s'asseoir un instant près de ses parents, il la trouvait là, toute prête à l'accueillir, avec un empressement qui mettait un soudain éclat dans ses yeux calmes. Ariane continuait de venir fréquemment, de préférence aux heures où elle supposait que Raymond était occupé. Le colonel et sa femme ne parlaient que fort peu d'elle à leur fils. Ils disaient incidemment « Mademoiselle Ariane nous a dit ceci, nous a appris cela ». Mais ils passaient vite et n'énonçaient pas d'appréciation sur elle. Raymond s'en était d'abord étonné. Puis, connaissant la prudence, la ferme sagesse de sa mère et cette clairvoyance dont elle lui avait donné plus d'une fois la preuve, il se disait, maintenant, qu'elle l'avait deviné, qu'elle faisait à bon escient le plus de silence possible sur celle que son fils aimait. Un après-midi, cependant, ils se rencontrèrent dans le salon de Madame Even. Ariane venait demander un conseil pour la soirée que le président donnait 15 jours plus tard, afin de rendre les nombreuses politesses dont sa fille et lui étaient l'objet. Paul se trouvait là aussi. Penchée vers son cousin, elle l'interrogeait sur une récente affaire qui passionnait tout le palais. Elle était fort élégante et sa toilette lui seyait, bien qu'elle n'y apportât pas le goût très sûr d'autrefois. Elle avait seulement un peu de rose à ses joues. Mais son teint n'avait plus la nuance délicate qui en faisait un de ses charmes. Un cerne mauve sous les yeux donnait à son regard une langueur qui n'était pas sans attrait. Elle écoutait son cousin avec une attention fervente. Mais elle le vit tout à coup tressaillir en regardant vers la porte qui venait de s'ouvrir. Elle vit le frémissement du visage, l'éclair dans les yeux qui regardait s'avancer Ariane. Comprit-elle ce moment-là ? Comprit-elle devant cette jeune, radieuse beauté ? Peut-être, car elle détourna son regard et croisa nerveusement ses mains qui tremblaient un peu. Ariane vint à Madame Even, s'inclina en un mouvement de grâce déférente. La lueur de la lampe éclaira ses cheveux bruns, son visage rosé par le froid, la robe de légère étoffe blanche à motif d'un bleu doux. Raymond fut surpris de voir sa mère baiser le beau front qui s'offrait à elle. Madame Even n'était pas coutumière des fusions de ce genre à l'égard des étrangers. Ariane avait donc fait beaucoup de progrès dans sa sympathie, dans son affection. Il en éprouva une joie subtile et serra avec plus d'abandon qu'à l'ordinaire la main de la jeune fille. Ariane, assise entre le colonel et Madame Even, exposa l'objet de sa visite. Elle évitait de regarder Raymond. Ses doigts caressaient machinalement le chat de ses hôtes qui était venu prendre place sur ses genoux. Tandis qu'elle parlait, ses paupières s'abaissaient comme pour jeter un voile sur l'éclat de ses yeux. En face d'elle, Paul restait silencieuse. Son visage et celui de Raymond se trouvaient un peu dans l'ombre. Néanmoins, elle pouvait observer la physionomie de son cousin. Elle remarquait ses yeux, sans cesse attirés vers la visiteuse, et qui s'en détournaient pour y revenir encore. Jamais, lui semblait-il, Ariane n'avait eu autant de charme que ce soir. Elle était faite pour attirer, et Raymond lui-même, le sérieux, l'invincible Raymond. Paul, tout son être tendu, les observait. Elle remarquait aussi, comme elle ne l'avait jamais fait, l'intimité qui semblait exister entre Madame Even et Ariane, si l'on en jugeait par le ton de leur entretien. Le maternel intérêt de l'une rencontrait chez l'autre une déférence charmante. L'irritation montait en l'âme de Paul. N'était-ce pas souverainement fou, imprudent au dernier degré, d'attirer cette jeune fille que Raymond, avec ses principes, ne pouvait épouser ? Elle ne reconnaissait plus le ferme bon sens de la tante Hélène. Fallait-il penser qu'Ariane l'avait ensorcelée aussi ? Maintenant que son attention s'éveillait, Paul croyait saisir des notes émues, frémissantes, dans la voix de Raymond et d'Ariane quand ils s'adressaient l'un à l'autre. Et un effroi jaloux se glissa en elle quand, Ariane ayant pris congé, Raymond l'accompagna jusqu'au dehors. Tous deux gagnèrent en silence le vestibule où Ariane jeta une cape sur ses épaules. Puis Raymond ouvrit la porte. En descendant les trois marches, il demanda « Vous êtes toujours satisfaite de votre profession, mademoiselle ?»« Très satisfaite, elle permet de faire beaucoup de bien. » Il s'arrêta au bas des degrés en la regardant. « Dois-je comprendre que votre scepticisme d'autrefois a déjà fléchi et que vos résolutions d'égoïsme sont loin ?»« Oui, vous pouvez le comprendre ainsi. » Au-dessus du perron, un globe teinté de rose répandait sa discrète lumière sur les deux jeunes gens. Raymond vit une grave douceur monter dans les yeux d'Ariane. « Devant toutes ces misères matérielles et morales, comment rester insensible ?» Comment ne pas essayer d'adoucir certaines de ses épreuves et n'être pas heureuse de se sentir la confidente, la conseillère, presque l'amie d'âmes souffrantes, parfois désespérées. Raymond voyait là une Ariane encore inconnue de lui. Il la savait bonne, mais il ne la croyait pas si proche du dévouement, de la pitié, de cette charité véritable qui porte à donner de soi-même pour la consolation et le secours d'autrui. Cet égoïsme, dont elle se targuait autrefois, n'était donc que factice, et ce vrai cœur de femme en avait vite renversé les barrières. Les grandes âmes seules éprouvent ce sentiment, mademoiselle. Les natures ordinaires se blasent, au contraire, sur les souffrances qu'elles rencontrent dans leur profession. » Il se dominait, essayait de parler avec calme, de réfréner l'émotion qui s'emparait de lui devant cette Ariane compatissante et attendrie, si délicieusement femme, qui savait allier tant de grâce, de discrète élégance, à une vigueur de pensée peu commune, à une culture d'esprit forte et brillante. Ainsi, selon vous, je suis une grande âme ? Un sourire venait aux lèvres d'Ariane, un doux sourire ému qui, montant jusqu'aux yeux, en aviva les clavelouttés. « Oui, vous l'êtes. Rien n'est médiocre en vous. » Il s'interrompit. Trop de mots qu'il ne voulait pas laisser échapper se pressaient sur ses lèvres. Son âme vacillait comme en un vertige sous ce regard qui devenait d'une douceur enivrante. Et le sien, ne laissait-il pas lire le trouble de tout son être ? Machinalement, il abaissa les paupières comme pour mettre un écran entre lui et ce visage de femme. Mais il le voyait encore, il sentait la douce chaleur de ses yeux attachés sur lui. « Je suis très heureuse de vous l'entendre dire. J'ai une confiance entière dans votre opinion. » Tout en parlant, elle s'avança vers la grille. Raymond l'ouvrit devant elle. En souriant de nouveau, elle lui tendit la main. « Allons, au revoir. Demain, vous viendrez sans doute à la première chambre entendre Mareuil. Je ne voudrais pas être à la place de ce pauvre Janillot. Il sera écrasé par tant de superbe éloquence. » Un rire amusé termina la phrase. Raymond murmura « Oui, ce pauvre Janillot. » Il ne savait pas trop ce qu'il disait. Le vertige le reprenait de nouveau. Les mots interdits, les mots d'amour montaient à ses lèvres. Il les criait dans son cœur. Mais allait-il donc lui échapper ? Il dégagea sa main des doigts tièdes qu'il venait de serrer très fort et réussit de dire avec calme « Oui, je pense aller entendre Mareuil. Il sera intéressant comme toujours. Bonsoir, mademoiselle. » Il s'inclina et referma la grille derrière la jeune fille. En se détournant, il vit Paul debout au seuil du vestibule. Elle descendit les marches et vint à lui. « Tu pars, Paul ?»« Oui, il est temps. » La voix de la jeune femme était légèrement saccadée, son regard s'attachait sur Raymond avec une expression de curiosité avide. Mais il se trouvait encore trop ému pour s'en apercevoir. Paul fit quelques pas vers la grille en ajoutant, sur un ton qu'elle essayait de rendre indifférent, « Tes parents traitent Ariane en intime. Je trouve cela singulier, car ses idées sont tellement éloignées des leurs. » Il riposta avec une sécheresse involontaire. « Elle a su, malgré tout, rester sincère et bonne. Voilà ce que mes parents estiment et aiment en elle, sans parler de toutes les qualités dont elle est pourvue. » Paul eut une sorte de rire qui s'étouffa dans sa gorge. En effet, ce n'est pas devant un homme, quel qu'il soit, que l'on peut se risquer à effleurer Ariane d'une critique. Toi comme les autres, Raymond. Il l'interrompit d'un geste impératif. Je lui rends justice simplement. Il est inutile d'aller chercher des motifs qui n'existent pas. Tu me feras plaisir en t'en abstenant, Paul. Il baissa la voix, mais son accent devenait irrité, presque dur. Paul rougit et balbutia. « Que tu es susceptible ! Ce que j'ai dit ne mérite pas ce mécontentement. Il est naturel que tu la trouves agréable comme les autres. Je ne veux pas dire pour cela que... » Elle cherchait à rencontrer le regard de Raymond, mais il le détournait et elle ne vit que son profil qui restait impassible. Il s'avança, ouvrit de nouveau la grille. Paul lui tendit sa main qu'il serra légèrement. « Bonsoir, Paul. Mes hommages à ta mère. » Un regard humble se leva sur lui. « Tu es fâché contre moi, Raymond ?» Il dit froidement. « Mais non, c'est fini. Nous oublierons cela si tu le veux bien. » Elle murmura. « Je veux ce que tu veux. » Il ne parut pas voir les yeux doucement soumis qui s'attachaient sur lui. Derrière Paul, comme tout à l'heure pour Ariane, il referma la grille. Pendant un court instant, il regarda la jeune femme qui traversait la cour et se dirigeait vers la voûte éclairée de la maison de devant. Mais ce qu'il voyait, au lieu du manteau de fourrure et du petit chapeau de Paul, c'était la robe blanche d'Ariane, ses cheveux bruns où passaient des reflets d'or. Paul n'était plus pour lui qu'une ombre, incapable de faire tressaillir son cœur. Il revint au pavillon et rentra dans le vestibule. Madame Evans se tenait au pied de l'escalier. Elle fit observer. « Tu vas prendre froid, mon enfant. »« Non, chère maman, car le temps s'est plutôt radouci ce soir. » Tout en répondant, il songeait. « Si je lui parlais d'Ariane, si je lui disais tout. » Car quelque confiant abandon qu'il montra à l'ordinaire pour sa mère, il ne lui avait jamais fait part du trouble survenu dans sa vie morale. Il lui semblait qu'en étendant sur lui le silence, il en deviendrait plus facilement maître. Seul, le prêtre guide de son âme avait reçu la confidence de ce cœur d'homme. Toutefois, Raymond connaissait trop bien sa mère pour ne pas penser qu'elle l'avait deviné. Néanmoins, il ne parla pas. Trop d'agitation troublante bouillonnait en lui ce soir. Quand il serait plus calme, quand il aurait repris toute la maîtrise de son âme, il se confierait à elle et lui demanderait conseil. « Tu vas travailler, mon enfant ?»« Oui, car j'ai de la besogne pressée. À tout à l'heure, mère chérie. » Elle le suivit des yeux tandis qu'il montait l'escalier. Sa silhouette élégante, son profil fier, se découpait sur le mur éclairé. Il se détourna, vit sa mère qui le regardait. Alors il sourit tendrement. Puis, d'un soudain élan, il redescendit et vint entourer de ses bras les épaules de Madame Even. « Ma mère bien-aimée, embrassez-moi, tenez, pour me donner de la force, pour m'infuser votre amour du bien, du devoir, quoi qu'il en coûte. » Les lèvres maternelles se posèrent sur le front qui s'offrait à elle. Longuement, elles s'y attachèrent en un baiser ardent. Toute l'âme de la mère resplendit dans les yeux que rencontrèrent ceux du fils. Madame Even posa une main douce sur les cheveux blonds en disant « Va, mon enfant, et reste toujours ce que tu es aujourd'hui, un honnête homme et un chrétien qui sait mettre sa vie en accord avec ses croyances. » Elle le regarda de nouveau s'éloigner. Des larmes vinrent à ses yeux qui souriaient cependant. Elle songeait « Mon pauvre bien-aimé, comme tu souffrirais près d'une femme qui ne penserait pas comme toi !»